Du coup, faut que je monte. Oui, il faut, que tu pour le générique, il faut que je pète le son. Attends, je vais couper mon micro. Non, mais t'inquiète, y a pas besoin. Hein, c'est... Quand on est geek, le podcast, le bêtisier. Quand ils sont... Mais Kawaii Matt, qu'est-ce que le Nintendo Labo? Mais écoute, mon cher Capoué, alors attends, je vais démarrer ma musique. Hop, s'il te plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le Nintendo Labo? Mais le Nintendo Labo, c'est... J'ai pas le badoumti pour ce jeu de mots un petit peu foireux, mais qui m'a fait rire à l'écrit. Bizarrement, maintenant que je l'entends à l'audio... J'ai un petit doute. C'est moins ça. Non, mais vas-y. C'est pas grave, Capou, c'est pas grave. Capou, si t'as autre chose à mettre, vas-y. Et voilà, je trouvais... Pardon. C'est un peu fort. Eh bien, écoute, mon cher Capou... Oh, attends, je l'ai lancé deux fois. Attends. Allez, je vais couper ce morceau et on va la recommencer. Vas-y. Mais alors, du coup, Kawaii... Est-ce que tu vas l'acheter? Ah, mais c'est une bonne question, mon cher Capoué. Alors, écoute, le robot, ça, on va pas dire qu'on l'a fait deux fois. Le robot, ça coûte 70 euros. Ah non, ça se lance plus. C'est pas grave, ça a coupé. C'est pas grave. Oh, il y a tout qui est foiré. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, je voulais vraiment lancer la musique pour vraiment faire ce qu'il fallait. Ah, j'y crois pas. Mais non, mais tu la colles après, c'est pas grave.